Dis, drôle de question. Qu'est-ce que tu changerais si tu étais directrice de prison? Alors, je ne tiens pas à être directrice de prison, c'est pas. Non, c'est un métier que je trouve à haute responsabilité, voilà. Parce que je pense que la direction peut un peu influer, je veux dire, sur l'atmosphère carcérale en tout, je vais dire. Je ne peux pas répondre à cette question parce que ça ne m'intéresse pas, ce n'est pas mon objectif. Et même dans le rêve, non, c'est pas quelque chose que je ferais, non. Ça a le mérite d'être clair.